مالها مالها مقلقة دي حكا ناي بواسو بيغا بريفا هاكي شربي سوكتي Vas-y, c'est bon, c'est bon, viens, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, allez, toi. On sait jamais que je mets soin avec ma dick et guinine. Non, t'inquiète. Allez, bonne soirée. Papayage. Vous m'entendez, monsieur? Faut se réveiller.